Fun Radio, bon début de soirée dans un instant au planetarthur.com pour l'heure flash spécial Love Story. Love Story. Que font-ils en ce moment ? Fun Radio. Et on retrouve immédiatement notre envoyé spécial Guillaume pour faire un point sur Love Story. Alors Guillaume, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Eh ben écoute Léo, ce qui est sûr c'est qu'ils ont un rythme un tout petit peu décalé puisqu'ils commencent à peine à prendre leur déjeuner. Donc il est 4h à la bonne heure et là-bas ils déjeunent au lieu du goûter. Voilà. Alors ce qui est sûr c'est que pendant le déjeuner, ils en profitent pour continuer à réviser leurs défis qui les attendent demain, à savoir connaître toutes les capitales de tous les pays du monde. Que chacun devra être interrogé sur l'un des pays du monde et il saura bien répondre. Et ben c'était très pratique tout ça parce qu'en plus ça permet de ne pas parler de toutes les tensions qui émergent dans le groupe. Et les tensions, elles sont très très très nombreuses, en particulier entre les filles qui ont complètement oublié leur principe de solidarité qui était pourtant la base de leur concept et de leur contrat d'hier. C'est Kenza qui est au centre de toutes les railleries et de toutes les rivalités. Je vous rappelle qu'Enza a entre autres tiqué des photos dans la caisse, elle a été enfermée hier soir avec Stevie et Kimi, enfin elle était complètement isolée. Bref, entre les filles, ça tire à vue, ça se fait même passe sur même passe, ça va au confessionnal dès que ça peut. Ah là là là là là là, ça n'est pas simple du tout cette élimination des filles. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour faire le point. Merci Guillaume. Toutes les heures, 24h sur 24. Et à tout moment, s'il y a événement, Fun Radio, la seule radio qui vous dit tout. Instantanément. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes allongé sur l'herbe pour regarder les étoiles? Parce que chaque jour compte. PlanetArthur.com, The Fun Radio. Bonne émission, mon bon roi. Merci. Très bonne émission, mon bon. Bonjour, comment allez-vous, mes braves? Même pas me dire merci, bon, c'est pas grave. Bonjour, comment allez-vous, mes braves? Très bien, les mon braves bon vont bien, les braves reviennent des guerres, les bonjour, braves. Bonjour, comment allez-vous, mes braves? Les braves vont bien, les braves reviennent des guerres, les braves vont très bien. Les braves ont la forme. Bonjour, comment allez-vous? Les braves vont très bien, les braves reviennent de la guerre, les braves vont très bien. C'est le mec qui est en boucle, tu sais. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Fun Radio. Comme chaque jour de plus en plus nombreux sur la première radio de l'après-midi. Oui, jusqu'à 18h30, on va pas faire les faux culs, on va vous dire la vérité. On va pas se priver de se moquer, de rire, mais de vous écouter, de vous rendre service aussi, peut-être de tenter radio de service. Relever vos défis. Exactement. Radio service. Notre rôle, vous rendre service. Notre rôle, vous donner un coup de main si vous en avez besoin. Radio service. Oh la tristesse. J'ai une tête de fatigué pour que tu me donnes un quadruple café, Thibaut. C'est-à-dire que là, il y a 2 litres de café. C'est-à-dire, je bois ça, à la fin de l'émission, je suis debout nu sur la table en train de taper sur Myriam avec mon sexe. T'en veux un autre? Mais tu veux qu'il me tape dessus aussi? Bon, vous connaissez le standard de la liberté, le standard de Freedom Standard Number. Yeah, 0803-08-5000 aujourd'hui, je vous offre des voyages, je vous offre de l'argent, beaucoup d'argent, me fait ton signe. Je vous offre des appareils photo, des lecteurs DVD, des caméscopes. Il n'y a pas un scooter, Thibaut? Pas encore. Pas encore. Eh bien, on l'aura dans une heure. On l'aura dans une heure. Super. J'offre ce que je veux pour peu que vous soyez brillant, que vous ayez quelque chose à redire, car il y a un article qui est le 22 du code de la radio. Quel est l'article 22? Si tu n'as rien à dire. Comme ta gueule. Voilà, c'est un concept que nous allons tenter d'appliquer. Et bien, mettons un disque. À la règle le conducteur et en appréciant la belle musique que nous a mis Romain en stage. Fais voir la musique que tu nous mets. Jusque-là, c'est un sans faute. Jusque-là, c'est un sans faute. Mais là, je pense que là, on n'a tué personne, on n'a pas égorgé un poulet, tout va bien pour l'instant, hein. Ok, il n'y a pas de bêtes qui vont être sacrifiées. Tu peux nous enlever cette musique qui est une musique de qui? Carmina Burana. Carmina Burana. Oui. Exactement. Qui est d'abord un opéra. Hein. De qui? Madame Burana, ben Carmina. Exactement. Ah, les incultes. Ah, mais moi, je veux même pas. Moi, je fais une vanne, mais Manu croyait que c'était vraiment ça. C'est une nana qui s'appelle Carmina Burana. Ouais, bien sûr, Madame Carmina. Oui. Madame Carmina. Vous pouvez me nettoyer le... Et ensuite, vous me ferez un opéra. Alors hier au standard, nous avions la chance d'avoir Thibaut qui a repris sa place de producteur, c'est-à-dire de glandeur. Et à nos côtés, pour le remplacer, Fanny est de retour. Où étais-tu hier, Fanny? Où étais-tu hier, Fanny? Je passais un examen. D'accord. Tu te fous de ma gueule? Alors? Il y a 2 minutes, tu m'as dit elle était super drôle, ouais, l'émission. Le matin, j'avais mon examen. Et l'après-midi? Bah, j'avais pas mon... Alors au lieu de venir bosser, t'es resté chez toi à glander à nous écouter. J'ai pris ma journée. T'as pris ta journée. Oh la vieille. Me vider, tout ça. La fonctionnaire. T'es en RTT, toi. Oh là là. Oh, j'ai pris ma journée parce que j'avais un truc c'est le matin. C'est quoi RTT, ça veut dire quoi? Réduction temporaire RTT, de travail. C'est quoi? Réduction temporaire des tâches. Oh là là. Comme tu dénonces. J'aimerais pas être à la place de Fanny, elle vient de lui passer un sacré savon. En même temps, c'était ton tour hier, t'as fait le fier. Manu, tu devrais mieux de la fermer. Voilà, c'est un conseil d'amis. T'es venu en voiture? Ok, je vais faire de la radio dans le couloir avec des amis. En parlant de voiture, beaucoup d'appels des concessionnaires BM pour dire à Thibaut que s'il avait acheté sa voiture chez eux, il aurait eu un meilleur prix, qu'il s'est bien fait arnaquer. Laurent Thibault, producteur qui roule dans quelques semaines à bord d'une BMW cabriolet Z3. Tout à fait. Le alors, gros, gros modèle. Hein. Agnès, dites la farouche de l'équipe, va s'approcher du micro. J'aime quand tu te mordis les lèvres. Et se déshabiller. J'aime quand tu te mordis les lèvres et quand tu mets ton petit pull en maille bleu ciel qui n'est pas sans nous rappeler que l'été approche. Malgré qu'il fasse un temps pourri encore. Ouais, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le bol, sans déconner. Ouais, mais ça va, hein, y en a marre. Hein. Oh, mais c'est pas normal qu'à cette période on dise jeudi il fera beau et vendredi il fera moche. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais ce que je dis, moi, adieu. Je dis hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Oh yo, tu vas fort quand tu pries. Maintenant, nous allons tous prier. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. La hop, hop, hop prière. On a qui en ligne? Xavier. Tu sais, je vais te faire un compliment, Agnès. De toute l'équipe, c'est toi qui as les plus belles dents. Oh, t'as des dents, les mannequins, tu sais, les mannequins dans les magazines, elles ont des mêmes dents blanches, longues, grandes, un peu lapin, sublime. Un peu lapin. Lapin, je fais l'amour comme un lapin. Mais tu sais qu'Agnès, c'est une bombe, hein. Il y a 2-3 retouches à faire, on en fait une bombe atomique. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on foutrait chez Agnès? Agnès, c'est le look. Elle s'habille pas assez sexy. Moi, je te le dis, Agnès, clair. T'es en perdition au niveau du sexe. Il faut que tu sois plus sexy. Même si t'as vu le loup, il faut le séduire tous les jours. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle ne veut pas que les hommes flashent sur elle pour son physique, mais pour ce qu'elle pense et ce qu'elle est intérieurement. Ouais, t'as vu d'accord. Que j'ai tout compris, Agnès? D'accord, mais... On baisse maintenant. Même les écolos, ils aiment faire l'amour, Agnès. Dans les champs, des champs avec de la bonne... herbe. Mais pas n'importe quelle herbe, de l'herbe élevée avec amour, arrosée tous les jours, accompagnée de musique classique. Tout à fait. Alors Agnès, comment je la relookerais? Je la verrais bien avec une mini-jupe. Tu vois? Tu sais qui c'est, Agnès? C'est le look de Delphine. Oui, c'est l'esprit dans la beauté naturelle. Exactement, la beauté naturelle. Mais elle est plus jolie que Delphine, Agnès. Ah, oui. Elle est d'autant plus jolie, mais quand même, tu devrais faire péter un petit rond d'embras de temps en temps pour nous faire rêver. Mets-en deux, c'est un conseil. Un par-dessus l'autre, comme Fanny. Fanny, elle a cru qu'il fallait les empiler, les Wonderbras, pour avoir des gros seins. Je te jure, toi, t'es pas prêt de réussir tes examens. T'as assuré ou pas? Je t'annonce que tu m'as promis que tu serais dans les premières de ta catégorie. Sur la tête des canards, si tu foires tes examens, je te tape. Oh là là. C'est bon comme consigne, j'ai l'autorisation de ton père. Écoute, je te dirai ça. Non, mais je veux bien que tu viennes faire l'idiote avec nous à la radio tous les jours pour gagner un peu d'argent de poche en tant qu'étudiante. C'est un peu mon rôle que de faire travailler des jeunes. Tout à fait. Mais je ne veux pas que tu bacs tes examens. Non, le problème, c'est qu'elle fait quand même quelque chose d'intéressant. Hein. Pour une fois qu'on en a un qui a le bac dans cette équipe. Manu, t'as le bac? Ouais, bah bien sûr, j'ai le bac. Moi, je bac. Bah alors, attends. Bac plus 2. Ouais, il y a plus 2. Ah, ouais. Le bac! Ah, pardon. C'est si bac. Bac plus quoi, toi? Bac plus presque Doug. Non, je mens. Il me manque une demi-UV, mais j'ai fait 2 ans. 2 ans. Ouais, ouais. Au niveau des UV, je les ai tous faits, moi. Regarde le teint que j'ai, regarde la peau que j'ai. Ah, sérieux? Ça, mais j'ai pas raté un seul UV. Alors là, au niveau des UV, je suis numéro 1 en France, moi. T'as ton bac, toi? Ouais, j'ai le bac. Toi aussi? Mais enfin, ouais, j'ai le bac. Le bac qui vaut rien, le bac à 2 balles, le bac sciences éco. Ouais, c'est rien. C'est le bac qu'on donne à tout le monde. T'as toi? Oh, c'est encore pire. Écoute la chanson de Michel Sardou. Je sais. Ça m'a juste permis d'entrer en fac. Le bac G, c'est quand même c'est un bac de daube. Hein. Ouais, déjà que B, c'est de la glande, mais alors le bac G, c'est pour les glande. Non, plus aujourd'hui, à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, ça rigole plus. Le bac ES, c'est pareil, c'est de la glande, le S. Mais attention, à l'époque, fallait savoir lire et écrire, excuse-moi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai passé le bac, on nous l'a donné, parce qu'ils avaient des quotas à respecter, à mon avis, dans mon lycée. Parce que moi, si j'ai le bac, c'est pas normal. T'es trop modeste. C'est vrai, bon, des 18 partout, ok. Mais non, c'est j'aime... J'ai eu des super notes moi au bac. T'as eu quoi? Genre, j'ai eu 15 en maths. J'ai eu 1 en maths. C'est pas vrai. T'as eu 1? Ouais, mais j'ai une super bonne note en philo. J'ai eu 14 mois. Tu sais quel était le thème philo, du bac en philo? Je me rappelle. Non. C'était l'histoire est-elle notre mémoire collective? Joli. Ouais. Vaste sujet. Très bonne note. Moi ouais, c'était quoi en philo? Faut pas rester là monsieur, je sais, non, c'est ce qu'il a dit. J'ai eu 8 en philo, putain. J'étais sorti de là hyper content et tout. Et tu t'as mais j'étais nul en maths. En espagnol, j'ai eu un petit 18 hein, qui m'a sauvé. En gym, bon, j'ai assuré. En allemand, j'ai eu la honte de ma vie, moi. La meuf, elle me parlait en allemand, je l'ai regardée, elle me fait « Mais vous comprenez ce que je vous dis ?» Ah, moyen. J'avais appris un truc, tu sais, t'as deux trucs en... Attends, je vous raconte, c'est vraiment... Donc j'avais appris par cœur des résumés de texte. Donc j'arrive et tout, pour le... t'as deux parties. Première partie, résumé de texte, ensuite commentaire de document. Ouais. Donc résumé de texte, j'avais appris par cœur, je lui sors un truc par cœur et tout. Elle me regarde et tout, hyper impressionné. Oh. Ensuite, le document, t'avais genre le mur de Berlin ou quoi. Alors je fais « Das ist das Berlin, Wolle », je sais plus quoi, enfin le mur. Et après, elle me dit « Bon, c'est tout ?» Y'a Mais non. Et elle me fait « Globen, Globen, Globen !» Et je la regarde, mais tétanisée. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et après, elle se met à parler en français, ce qui est même l'humiliation suprême. Elle fait « Mais vous comprenez ce que je vous dis, monsieur ?» Je fais « Ah, moyen ouais. !» Et j'ai gardé des souvenirs incroyables quand j'ai passé l'espagnol. Bon, je suis bilingue en espagnol, donc j'ai une bonne note. Mais juste avant moi, il y avait un mec Tu sais, en plus, t'attendais au fond de la salle. Et le mec, il passe. Mais il était nul, mais je te jure. C'est comme si Dieu l'avait envoyé juste avant moi. Mais il était nul. Il était tellement nul. Il a énervé la prof qu'elle a piqué une crise de nerfs. Mais une crise de nerfs. Et elle l'a mis dehors. Tu vois, elle a gueulé, ils sont engueulés, tout ça. Il est sorti, le môme. Et je suis arrivé. Moi bien. Elle était au bord des larmes. Et moi. Le salaud. Vous connaissez. Oh ouais, je vois. Tu l'as consolé en espagnol. Je fais, oh, dis donc, ça doit pas être facile tous les jours, ma petite dame et tout. Oh, il y en a qui exagèrent. Oh. Écoute-moi bien, on a discuté un quart d'heure. Même pas de texte, rien. Elle me dit, vous avez quelque chose? Elle me dit, si vous voulez, je peux vous chanter une chanson. Je lui dis qu'elle m'avait chanté ma grand-mère. Je pars dans un Tommy en espagnol et tout. Et je lui chante une chanson à deux balles qui s'appelait La Marie Carmen. C'est énorme. J'ai juste chanté une chanson qui va remonter le bras. La Marie Carmen no sabe cantar, no sabe coser, no sabe hacer nada. Elle m'a regardé, elle m'a dit, pauvre type, 18. Je suis sorti, ma petite dame, faut pas vous laisser faire. Vous voulez que je lui pète la gueule? Excellent. Le mec, il avait traité tous les noms. Eh ben. Ah, je t'arrive derrière. Oh, sinon, j'avais essayé de faire une arnaque. Moi, je l'ai eu à l'oral de rattrapage, hein. En espagnol, justement. J'avais pris espagnol et je sais plus quoi, parce que j'avais foiré. En histoire géo, je me souviens, c'était la Russie. Et j'avais appris que les États-Unis. Et j'ai fait tout sur les États-Unis. J'ai fait le même sujet sur les États-Unis. Et à la fin, je fais, quoi, c'est la Russie? Ah non, le mytho. Ils m'ont mis 1 parce que 0, c'est éliminatoire, tu sais. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir le bac, mais je dis à tous ceux qui nous écoutent, il faut travailler. Ouais. Regardez comment on finit quand on n'a pas fait d'études. Regardez comment j'ai terminé. Vous croyez qu'il y a de quoi être fier? Hein? Ça va en même temps quand même. Hein. Je veux dire, bon, il vient, rien, ta télé que t'as chez toi, elle est énorme, ouais. Il pense qu'à la télé. Oh, t'as pas vu sa télé? Ah, bonne télé. 4h10, voilà ce que l'on appelle l'article 22 dans l'émission. Je savais pas qu'il y avait des télés à écran plat, moi. Et les coins carrés, c'est incroyable, là. Bien sûr. J'ai un vieux truc bombé, moi. Tu sors de ton terrier, des fois? Non. Eh ben, tu devrais y sortir au moins pour nous sortir 2-3 vannes. Ah, je ne peux pas, désolé, le magasin était fermé. T'es pas venu avec ta blague mobile, hein? Blago 24h sur 24 était fermé. Bon, allez, on met un inventaire. Non, non, parce que là, il est 16h10, à quelle heure elle démarre l'émission, Romain? Alors, ça arrive au cerveau. Oh, c'est mignon, le regard. Alors, où est le jingle, Romain? Ça arrive au cerveau, ça monte au cerveau, l'information est en train de travailler entre les neurones, alors ça clignote. Et il a vu le regard du mec qui se fait interroger au bac à un sujet qu'il a pas appris. Romain, donc il cherche le jingle. Dans le cerveau, ça bouillonne, il transpire, il est rouge comme une tomate, on dirait la noiraude. Et donc, Agnès, si tu fais l'amour avec un Romain, je peux te dire que les gens ils vont croire que c'est Mars. Tu sais, la planète Mars où tout est rouge. C'est bon, on a le jingle? Ah, j'en veux plus. Ah, bah, écoutez, une chanson tout de suite, puisqu'il s'agit de quoi? Madonna, le nouveau single. What is it like, c'est ce qui était prévu, le nouveau single de Madonna, Romain? Qui t'a dit de répondre? Tu sais, tu fais oui, non, pas, avec la tête. C'est pas what it feels like for a like. Ça ne veut rien dire, cette phrase. For a girl. Agnès, première phrase du conducteur, what it feels like for a like. Déjà, coco pour rien. Et voici le remix de Madonna. What it feels like for a like, what it feels like. And what a like feels like. Tu sais qu'un jour, Madonna et moi, il va y avoir un truc. Les claques? Sur le cuisseau, oui. Manu, ouais. Est-ce que je t'ai déçu une fois dans ma vie? Non, mais tu te jures que tu tapes Madonna, mais alors le respect, mais alors énorme. Ok, tape. Elle est bientôt en France, hein. À ton avis, pourquoi elle vient à Paris? Oh, le mytho. Je lui ai envoyé un message sur Internet. Un SMS. Je lui ai envoyé un message, Madonna, si tu viens à Paris, viens manger une daffine à la maison. Hein, mais t'es pas bien, tu les connais pas ces gens-là? Ça ne leur coûtera rien, j'ai la carte téléphonique Télé2. Je peux téléphoner d'où je veux, quand je veux et pour pas cher, puisque je bénéficie des tarifs Télé2. Regarde. Oui, bonjour monsieur, c'est mon copain, il voudrait téléphoner de chez vous. Hein, voilà. Non. Carte téléphonique prépayée Télé2. Pourquoi continuer à téléphoner trop cher? Carte France et universelle pour appeler d'un poste fixe, d'une cabine téléphonique ou d'un portable. Disponible dans les bureaux de tabac et maison de presse. Connecte-toi sur funradio.fr. Et cette semaine, tu vas vivre le Festival de Cannes comme si tu y étais. Connecte-toi sur funradio.fr. Retrouve toutes les infos sur les films, les interviews des acteurs et les photos des soirées cannoises très showbiz. Connecte-toi sur funradio.fr. Et ce n'est pas tout, tu peux même gagner un caméscope numérique et 10 films Palme d'Or en DVD ou VHS. Alors, connecte-toi sur funradio.fr. Radio. Quand on vous demande votre avis, Arthur, ça donne ça. Beaucoup de sexe à pile, très intéressant, très malin. Ouais, ça va. Ils font chier leur monde. Parfait. Rien d'autre à dire. Arthur, c'est la radio. Up to you, c'est la quarto à tatou. Plus que jamais, Arthur, numéro 1 l'après-midi. Oui, oh, c'est tranquille en même temps. Hein. Non, c'est vrai. Non, on est bien. Mais on est bien, on est bien. On va pas se plaindre. On a Xavier qui nous appelle de la Baule, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Comment ça va Xavier? Le Pouliguen exactement, à côté de la Baule. Le Pouliguen. Le Pouliguen, c'est bien, très très belle ville. Oui, touche-touche avec la Baule, entre la Baule et le Croisic. Touche-touche avec la Baule. Tu sais pourquoi je t'aime bien Xavier? Comme Trouville alors, touche-touche avec Deville. Exactement, c'est que tu as ces petites expressions clichéman magnifiques. Genre hop. Crétin quand même. Xavier, tu veux balancer le top départ? Avec plaisir Arthur. Fais comme chez toi. Je quoi? C'est comme chez toi, c'est bien d'avoir un crétin toujours en début d'émission, ça nous remonte le moral. Hein, je ça, te hein. confirme. Alors vas-y crétin, vas-y, on t'aime bien. J'ai du respect pour les crétins. Souviens-toi, Quasimodo était la star à la Cour des Miracles. Il s'est pas tapé beaucoup de meufs. C'est pas grave. On y va, Arthur? Si je veux. D'accord. Oui. Alors je te demanderai d'attendre, et d'ailleurs tu vas attendre un peu, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre. Oh, ça bon t'attendra. Accueil, bonjour. Bon, allez, t'es prêt? Ouais. Ça se reproduise plus, hein? Non. Je compte sur toi. Ouais. Ouais, quoi? Oui, tonton. Pardon? Tu vas te faire tuer. Oui, mon bon, au revoir. Agnès, je te félicite, c'est du bon crétin. Tu l'as attrapé avec quoi? T'as pris quoi comme appât? C'est de l'élevage, ça. Hein, hein? Ça, c'est de l'élevage. C'est du crétin d'élevage, hein. Ah, mais on a ouvert un élevage. Non, de non, ça, c'est du crétin de source, ça. De père en fils. De père en fils. C'est pas du crétin sauvage, ça. Non, ça, c'est du crétin Xavier, élevé au grain. Tu te considères comme un crétin contemporain ou un crétin élevé? T'es quoi? T'es un crétin surimi? Un crétin de base. Voilà, classique, quoi. Voilà, classique. On t'écoute. Je suis pas content quand les filles elles ont des tout petits seins. Je suis bien content de passer pour un gros crétin. Je suis pas content de pas pouvoir entrer dans la maison du bonheur. Je suis bien content quand mes patates elles baignent dans le beurre. Je suis pas content parce que l'or elle ressemble à rien. Je suis bien content de me marier le 1er juin avec Fanny, Agnès, Myriam, Romain en stage, Vivian, Manu et bien sûr le roi Marie-Carmen. C'est PlanetArthur.com sur Fun Radio, de 16h à 18h30, l'émission qui réveille les crétins. Et ben voilà, sois bienvenue chez toi, bienvenue à Crétinland. Xavier, oui. T'es heureux? T'as quel âge? Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. T'es une nana? Oui, bah je me marie le 1er juin et... Vous allez faire des enfants? Oui. Sous contrôle médical quand même, hein. Non, ça va bien se passer. On sait jamais, hein, parce que ça peut se transmettre, hein, la crétinerie. J'ai eu Dieu au téléphone qui n'est pas pour, hein, sache-le. Il a dit hop, hop. Bon, Xavier. Oui, Arthur. Comme t'es crétin. Oui. Et fier de l'être. Oui. Tu repars avec un cadeau crétin, le kit Fun Radio. Oh non. Tu vas avoir le beau t-shirt Fun avec marqué Fun en rose et tout. Avec le bob. Et ta fiole. Et le pins. T'es content? Vachement. Attention, je peux rajouter la casquette et le bob. Ah, vas-y, donne. Allez, vas-y, la casquette et le bob Fun Radio. Qui est le roi de Radio? Arthur. Et le roi des crétins? Ah oui, je sais pas. Bon. Hop. Laisse-le. Il n'a pas pris conscience de son état. Mais n'oubliez jamais, ce sont comme les envahisseurs, il y en a de plus en plus autour de nous, que ce soit vos voisins, que ce soit peut-être des membres de votre famille. Le crétin est parmi nous. Xavier? Oui. Merci d'avoir mis le doigt dessus. Merci à vous. Sur quoi? Oh, tu penses à la même chose que moi. Attends, est-ce que c'est un crétin qui s'est compté? Compte jusqu'à 3? Non, je veux 1, 2, 3, au revoir. En tout cas, c'est François, un comment ça va? Ça va bien toi Arthur? Ouais, très bien, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, en fait ça pourrait aller beaucoup mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah tu pars du nez? Ouais, un petit peu. Pas du tout, il est animateur sur énergie. Ah pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors voilà, moi je vous appelle en fait parce que j'aurais besoin d'un petit coup de main. Ouais. En fait j'ai tout bêtement, l'été dernier, la fin de l'été dernier, plaqué la femme de ma vie. Tu as plaqué la femme de ta vie? Eh ouais, c'est quoi du... On vient de quitter un crétin et t'en retrouves un deuxième. Et pourquoi tu l'as quitté? Bah parce qu'en fait on s'était un petit peu disputé tout l'été dernier. Et tu regrettes? Et puis bon bah un an après la pomponnette est de retour à la maison. Ça fait longtemps un an quand même, hein. Voilà. Vous étiez resté combien de temps ensemble? Ça faisait 5 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on vivait ensemble. Et tu l'as viré pour quelle raison? Eh ben en fait c'est on s'est accumulé beaucoup de petites bêtises quoi. Et t'as eu des nanas depuis? Bah ouais, pour essayer de l'oublier, bien sûr. Et elle a eu des mecs? Et puis bah elle a retrouvé un copain il y a un mois déjà. Oh la vache. T'es mort. Oh la vache. T'es mort. Bah, écoute, pas. Si elle est restée sans mec pendant 11 mois, écoute-moi bien, pendant 10 mois, d'après mes calculs, pendant 10 mois, elle n'a pas eu de mec. Donc pendant 10 mois, elle n'a pas eu de relation sexuelle. Dis-toi bien que n'importe quel mec qui passe derrière toi, c'est un bon coup au bout de 10 mois. Bah, je sais pas. Mais c'est normal. Imagine, t'es dans le désert, tu manges du sable pendant 10 mois. arrive un mec avec des pépitos. Le pépito, ça devient du caviar, tu comprends? Et ben là, ta meuf, ça fait 10 mois qu'elle a bouffé du sable, c'est le Paris-Dakar dans sa foune, et maintenant, toi, tu veux la récupérer. Et pourquoi tu veux la récupérer? Tu t'es posé la question? Non, je vais te dire pourquoi tu veux la récupérer. Parce que depuis un mois, elle a récupéré un mec, et tu dis, merde, voilà. Elle m'a attendu pendant 10 mois, la pomponnette, elle est en train de faire des tours. Tu t'es dit, ça fait 10 mois qu'elle m'attend, je vais pouvoir niquer à droite à gauche, c'est ce que t'as fait, François. Et maintenant que tu vois qu'elle a refait sa vie et qu'elle peut se passer de toi, qu'est-ce que tu fais? T'as les boules. En fait, ce n'est pas par amour que tu veux la récupérer, c'est par fierté. Tu sais ce qu'on va en faire de ton ego? Oui. On va te la mettre dans le cœur. Ah, Manu! Ça va pas bien, Manu. Excusez-moi, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Dis-moi que j'ai tort. Ouais, t'as tort. Si le mois dernier, c'était pas tapé un mec, tu aurais réagi comme ça? Non, non, c'est complètement différent parce que c'est elle qui me l'a appris. François? Je le savais pas. Mais alors, on s'en fout? Ouais. Ah, tu l'as donc rappelé? François, t'es un mytho. Non, je suis pas un mytho. T'es un gros mytho. Et j'aime pas les mythos. Attends, mais il l'a... Ok, vous sentez qu'il y a une petite histoire. Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? Texto, elle vous dit, oui, mais moi je suis pas comme les autres, je suis pas un numéro de plus dans ton hit parade, donc je veux pas faire l'amour tout de suite. Et moi dans ces cas-là, je veux que tu m'aimes pour moi, écoute ça, je veux que tu m'aimes pour moi et pas pour faire l'amour. Donc qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, bon bah d'accord, donc t'attends une semaine et vas-y au resto, et vas-y le cinéma, et vas-y on va se promener main dans la main dans le jardin et on s'appelle tous les soirs. Ça va, oui, raccroche-toi, non toi, non toi, attends, raccroche, non toi, non toi, non, non mais vas-y raccroche, non, non, toi d'abord s'il te plaît, non, oh non, hier c'était moi qui raccroche. Oh, ta gueule, bon. Bref, vous connaissez ce numéro des gonzesses qui nous font pas. Jusqu'à maintenant, ça va. Ok. Et puis après, ce qu'elle fait, la nana, c'est qu'elle appelle pas trop pour voir quand tu l'appelles, toi. Parce qu'elle se dit, si je l'appelle tous les jours, il va voir que je suis accroché à elle. À lui pardon. Et le mec est fier, il se dit, oh là là, si je l'appelle, si elle m'appelle, elle, tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? Vas-y. T'as compris, donc. Passe une semaine, deux semaines, et elle veut toujours pas coucher avec le mec. Maintenant, le mec, il commence à tomber amoureux, parce qu'il dit, finalement, si elle veut pas coucher avec moi, c'est que c'est une fille bien. Alors que non, elle est pas une fille bien, c'est un stratagème. Mais non. C'est un stratagème bizarre. Passe une semaine, deux semaines. Bon, au bout de trois semaines, le mec, ça fait trois semaines qu'il a pas fait l'amour. Donc les 29 jetons de TPS, il les a explosés 20 fois. Les 31 maintenant. Les 31 jetons de douce. Ça a augmenté, je suis vert. Il s'est fait tous les films de cul des années 70 sur XXL, tu vois, vraiment, où ils ont encore des pattes d'éléphant. Ouais. Ils ont pas que les pattes d'éléphant, d'ailleurs, dans les films de cul sur XXL. Et un jour, elle lui dit, fais-moi l'amour. Pas genre, attrape-moi, fais-moi l'amour. Le cum. Il n'a pas fait l'amour depuis trois semaines. Ce qui fait que quand ils sont ensemble dans le lit, il a l'impression que la nana, c'est le plus grand coup du siècle. Tu comprends, je veux dire? Jusque-là, ça okay. Se tient. Ça fait trois semaines qu'il n'a pas fait l'amour, donc il a oublié. Là, un homme, tu sais, c'est une machine. Donc, elle le fait comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? C'est que le mec s'aperçoit que la meuf, c'est pas un coup et qu'elle a bien arnaqué. Principe de la théorie des pépitos. On en a parlé hier, on va pas en faire trois tonnes. Non. Tu manges des pépitos tous les jours. Un jour, passe devant toi un granola. Il n'est pas meilleur, il est différent, tu plonges dessus. Eh ben ça, c'est bien une théorie de mec. Toi, au bout d'un an, c'est bon, une femme, t'en as marre. Un an, c'est vachement long déjà. Un an, tu plaisantes. Alors. Un an. Un mois, tu veux dire. Un an, je commence à peine à performer. Moi, je commence à me poser des questions. C'est quoi? Vous avez rien compris aux femmes. Ah ouais? Et François, tu sais quoi, François? Vous êtes des petites manipulatrices, François, et des petites calculatrices. Tu es bien la preuve vivante que l'homme est lâche. Ça oui. Ah ben tout à fait, oui. Ça, j'en suis confiant maintenant. Maintenant, tu penses qu'elle a retrouvé un mec depuis un mois et tu penses que c'est l'homme de sa vie? Bah en fait, c'est pas ça. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a poussé à la rappeler, c'est comme je te disais tout à l'heure... Bon, c'est que t'as appris qu'elle avait gagné au loto. Non, non, non, non. J'ai connu deux, trois autres filles et je me suis aperçu qu'il n'y en a aucune qui m'intéressait. Bien sûr, parmi deux, trois. Mais après, les avoir attrapés, bien sûr. Hein. Après les avoir attrapés, bien sûr. Il faut essayer quand même avant de faire un jugement. Ça, c'est un autre problème. Mais si tu veux, maintenant, moi, ça fait un an que je la vois plus, quasiment. Et tu n'as pas cicatrisé? Non, ben disons que ça n'arrive pas à cicatriser. Je sais que c'est la femme de ma vie depuis, donc ça fait un mois qu'on se revoit maintenant de temps en temps. Mais tu le sais parce que tu n'en as pas trouvé d'autres. Tu sais, John Amour, l'inventeur de l'amour, a dit un jour... Il n'y a pas une femme de sa vie, il y a des femmes de sa vie. Ah bon? C'est toi qui dis ça, Manu. Merci de l'apprendre. Mais non, mais c'est vrai, il n'y a pas une femme. François, tu sais, tu peux pas faire souffrir indéfiniment cette fille. Est-ce que pendant l'année de votre rupture, elle a souffert? Est-ce qu'elle a été malheureuse? Bah disons que, je pense qu'elle a été... Elle a été malheureuse. Et qu'est-ce que tu faisais pour l'instant? Monsieur, il se tapait tout le quartier.